más tierno. Por mi cuatro cono. Por mi cuatro cono. Je dis sans topic la vie a pas guécha. Por mi cuatro cono. Gabi dit sans topic li pas même besoin vie. Por mi cuatro cono. Tico dit pour dormir pour les temps de jazz là. Por mi cuatro cono. Aïe, topic là. Pas cap manqué, oui, topic là, nous remet l'envie. Jojo dit sans topic, la vie a pas guécha. Gabi dit sans topic, il va même besoin de vie. Tico dit pour dormir, pour les temps de jazz là. Aïe, topic là, nous pas cap manqué, oui, topic là, nous remet l'envie. Oh, oui, au pic là, nous remet l'empire.